Marc chapitre 11. Et comme ils approchaient de Jérusalem, étant près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples. Et il leur dit, allez-vous-en à cette bourgade qui est vis-à-vis de vous, et en y entrant, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel jamais homme ne s'assit, détachez-le, et l'amenez. Et si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela, dites que le Seigneur en a besoin, et d'abord il l'enverra ici. Ils partirent donc, et trouvèrent l'ânon qui était attaché dehors, auprès de la porte, entre deux chemins, et ils le détachèrent. Et quelques-uns de ceux qui étaient là, leur dirent, pourquoi détachez-vous cet ânon? Et ils leur répondirent comme Jésus avait commandé, et on les laissa faire. Ils amenèrent donc l'ânon à Jésus, et mirent leurs vêtements sur l'ânon, et il s'assit dessus. Et plusieurs étendaient leurs vêtements par le chemin, et d'autres coupaient des rameaux des arbres, et les répandaient par le chemin. Et ceux qui allaient devant, et ceux qui suivaient, criaient, disant, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne de David, notre Père, le règne qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra ainsi dans Jérusalem, et au temple, et après avoir regardé de tous côtés, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie, avec les douze. Et le lendemain, en revenant de Béthanie, il eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, mais y étant venu, il n'y trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et Jésus prenant la parole, dit au figuier, que jamais personne ne mange de fruits de toi. Et ses disciples l'entendirent. Ils vinrent donc à Jérusalem, et quand Jésus fut entré au temple, il se mit à chasser dehors ceux qui vendaient, et ceux qui achetaient dans le temple, et il renversait les tables des changeurs, et les sièges de ceux qui vendaient les pigeons. Et il ne permettait point que personne, portât aucun vaisseau par le temple. Et il les enseignait, en leur disant, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière par toutes les nations ? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ce que les scribes et les principaux sacrificateurs ayant entendu, ils cherchaient comment ils feraient pour le perdre, car ils le craignaient, à cause que tout le peuple avait de l'admiration pour sa doctrine. Et le soir étant venu, il sortit de la ville. Et le matin, comme il passait auprès du figuier, ils virent qu'il était devenu sec jusqu'à la racine. Et Pierre s'étant souvenu de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Maître, voici, le figuier que tu as maudit, est tout sec. Et Jésus répondant, leur dit, croyez en Dieu. Car, en vérité, je vous dis, que quiconque dira à cette montagne, quitte ta place, et te jette dans la mer, et qui ne chancellera point en son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fera, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez, et il vous sera fait. Mais quand vous vous présenterez pour faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez point, votre Père qui est aux cieux ne vous pardonnera point aussi vos fautes. Ils retournèrent encore à Jérusalem, et comme ils marchaient dans le temple, les principaux sacrificateurs, et les scribes, et les anciens vinrent à lui, et lui dirent, par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui est celui qui t'a donné cette autorité, pour faire les choses que tu fais? Et Jésus répondant, leur dit, je vous interrogerai aussi d'une chose, et répondez-moi, puis je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean était-il du ciel, ou des hommes, répondez-moi. Et ils raisonnaient entre eux, disant, si nous disons, du ciel, il nous dira, pourquoi donc ne l'avez-vous point cru? Et si nous disons, des hommes, nous avons à craindre le peuple. Car tous croyaient que Jean avait été un vrai prophète. Alors, pour réponse, il dira Jésus, nous ne savons. Et Jésus répondant, leur dit, je ne vous dirai point aussi, par quelle autorité je fais ces choses.